Évariste Ndikomanyanga. Nous sommes dimanche 28 mai 2023. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sangamiro à ce journal, édition de la soirée dont voici d'abord le sommaire. La diminution de la production de poissons dans les eaux du lac Tanganyika, c'est la raison qui a poussé l'autorité du lac Tanganyika, en collaboration avec les autres pays riverains de ce lac, à signer une convention portant fermeture de la pêche durant 3 mois. Vous aurez les détails avec le conseil. Conseiller à la direction de la promotion des filières halieutiques au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Adoption mercredi passé par le Conseil des ministres d'un projet de loi portant accord bilatéral concernant la réglementation de l'emploi des travailleurs burundais au Qatar. Une fois ratifié, cet accord contribuera à la lutte contre le chômage des jeunes burundais. La Turquie vit ce dimanche une journée de vote inédite pour le second tour de l'élection présidentielle. Recep Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, obtient pour le moment 56,36% des suffrages contre 43,64% pour son adversaire, selon des résultats provisoires. Bienvenue à cette édition. Le chef de l'État et président en exercice de la communauté centrafricaine, son Excellence Évariste Ndayishimiye, a pris l'avion ce dimanche en destination d'Abuja en République fédérale du Nigeria. Selon le communiqué du bureau de la présidence chargé de l'information, de la communication et du porte-parole du président de la République et le numéro 1 burundais, s'est rendu au Nigeria pour prendre part aux cérémonies d'investiture du président de ce pays prévue ce lundi le 29 mai 2023. Une liste plutôt des programmes budgétaires a été adoptée par le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Selon le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, il est formulé 62 programmes budgétaires déclinés en 256 actions. Prosper Nagwamiye explique que différents ministères vont utiliser ces programmes développés pour entreprendre le processus de la bascule vers le budget programme. On l'écoute. Liste des programmes budgétaires. En application des dispositions de la loi organique relative aux finances publiques du 20 juin 2022, la structure des programmes budgétaires a été développée avec l'appui et l'assistance technique des partenaires et l'implication des secrétaires permanents des différents ministères. Comme le prescrit cette loi organique, les programmes budgétaires ne peuvent être créés que par la loi des finances. À cet effet, la structure des programmes ainsi développés doit être soumise à l'adoption du Conseil des ministres pour permettre sa stabilisation afin qu'elle soit utilisée par différents ministères pour entreprendre progressivement le processus de la bascule vers le budget programme. Pour les 15 ministères, il est formulé au total 62 programmes budgétaires déclinés en 250 actions. À l'issue de l'analyse, le dossier a été adopté avec les recommandations suivantes. Améliorer la reformulation de certaines actions et les communiquer au ministère en charge des finances. Recruter un cabinet ayant des compétences en budget programme pour former des techniciens appelés à former les techniciens des différentes juridictions à la matière. Chaque ministère doit prévoir avant fin juin 2023 2 techniciens pour la formation et qui, en retour, vont former les autres. Organiser en juin ou juillet 2023 une retraite de formation en budget programme pour les membres du gouvernement. Montrer l'état actuel de la mise en œuvre du budget programme de façon objective. Ce Conseil des ministres a également adopté un projet de loi portant accord bilatéral concernant la réglementation de l'emploi des travailleurs burundais au Qatar. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement indique que la ratification de cet accord contribuera à la lutte contre le chômage des jeunes burundais. Suivez-le encore une fois. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord entre le gouvernement de l'État du Qatar et du gouvernement de la République du Burundi concernant la réglementation de l'emploi des travailleurs burundais dans l'État du Qatar. La migration internationale est devenue aujourd'hui un phénomène mondial dont l'ampleur et la complexité ne cessent d'augmenter. Le gouvernement de la République du Burundi, conscient des avantages de la migration, mais aussi soucieux de relever les défis qui s'opposent, est à l'œuvre pour réguler son mouvement de main-d'œuvre à travers un cadre légal avec les pays de destination. C'est dans ce cadre qu'un accord bilatéral concernant la réglementation de l'emploi des travailleurs burundais dans l'État du Qatar a été élaboré. La ratification de cet accord vise non seulement l'entrée en vigueur de la réglementation du mouvement de la main-d'œuvre burundaise qui désire se rendre au Qatar pour y travailler, mais également le renforcement des bonnes relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays. Elle contribuera à la lutte contre le chômage des jeunes burundais. Après échange et débat, le projet a été adopté avec la recommandation que tous les textes de loi soient présentés avec leur version en Kirundi. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Parlons pêche à présent. Je vous le disais en titre, la vraie cause qui a poussé l'autorité du lac Tanganyika à prendre la décision de fermer la pêche dans les eaux du lac Tanganyika et la diminution sensible de la production de poissons dans cette réserve naturelle. Ceci a été dit par Evariste Rumbete, conseiller à la direction de la promotion de filières halieutiques au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage dans l'émission Mosaïque de ce samedi. Ce technicien en matière de pêche a indiqué que cette décision a été prise après une enquête minutieuse menée par les techniciens provenant des quatre pays riverains du lac Tanganyika. On l'écoute. Les études se sont focalisées sur cette question même pour voir, pour essayer de comprendre pourquoi il y a une baisse de la production de poissons au lac Tanganyika. Alors, parmi les résultats, ils ont constaté que la pêche dans ces quatre pays riverains du lac Tanganyika, à savoir le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie, ne fait que capturer de poissons immatures qui n'atteignent pas la taille normative, normalement, la taille autorisée pour que telle espèce de poisson soit capturée de manière légale. Ayant constaté ces résultats, donc les quatre États se sont mis ensemble pour élaborer ce document qu'ils ont appelé la charte de gestion régionale, la charte des États membres de l'autorité du lac Tanganyika pour la gestion durable de la pêche au lac Tanganyika. Dans ce document qui est la charte, il y a des mesures de gestion durable du lac Tanganyika. Ces mesures sont fondées sur les résultats qui sont sortis de ces deux études. Une étude sur l'impact socio-économique de la pêche des poissons immatures et la deuxième étude s'était fondée sur la taille de maturité sexuelle et la taille minimale pour la capture. Le latès staperci, on appelle ici en Kirundi le mukeke, le stolotrissa tanganyike, qu'on appelle ici communément Indagara, et le Limnotrissa myodon, qu'on appelle l'Oumpu. Ce sont les trois espèces que vous voyez et qui font normalement le commerce de poissons ici au Burundi, et même dans les trois autres pays dont je viens de parler. Au moment où les pêcheurs des plages de pêche de Kajaga et d'Urumonge ayant manifesté le mécontentement contre la mise en vigueur de cette décision prise par l'autorité du lac Tanganyika, ce conseiller à la direction de la promotion des filières halieutiques au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage dit ne pas comprendre de tels agissements car des réunions de sensibilisation ont été tenues à leur intention. On l'écoute encore une fois. À mon avis, il n'y a aucun pêcheur qui n'est pas au courant de cette activité liée à la fermeture des activités de la pêche au lac Tanganyika dans les quatre pays pendant trois mois. Ça, c'est connu, mais quand il faut arrêter une activité pendant trois mois, c'est pas facile, mais je sais que les 7 jours qu'il fermait chaque mois, si on les comptait pendant toute une année, et il le faisait vraiment sans arrière-pensée, ça représente presque les 3 mois. Mais si on regarde ce que ça peut leur amener, l'intérêt de fermer pendant les 3 mois qui ont été pris par l'apport à la période de reproduction de ces 3 espèces commerciales, ça veut dire que les pêcheurs ne pouvaient pas se lamenter. Il faut qu'ils continuent à travailler à très bonne collaboration comme ils le faisaient. Et d'ailleurs, pendant la dernière campagne de Romongue, les pêcheurs ont promis de suivre cette recommandation d'arrêter les activités de pêche pendant les 3 mois parce qu'ils comprennent eux-mêmes que c'est pour l'intérêt de ces ressources halieutiques qui constituent le fondement de leur profession. Donc, je pense que les pêcheurs ont été sensibilisés, mais vous savez, la sensibilisation, ça nécessite beaucoup de temps. Même si aujourd'hui on décide d'arrêter, ils auront toujours besoin d'être sensibilisés pour ceci ou cela. Vous saurez que cette décision de fermer la pêche dans les eaux du lac Tanganyika pendant une période de 3 mois a été prise par les 4 pays riverains du lac, à savoir la RDC, la Zambie, la Tanzanie et le Burundi, et devrait être mise en application à partir du 15 du mois de mai en cours, mais en vain. La cause étant que la Tanzanie s'est désistée sur demande des élus du peuple de ce pays. Certains agriculteurs de la province Tchankouzo se lamentent qu'ils ont reçu une mauvaise récolte lors de la saison culturelle A suite au changement climatique. Cela est confirmé par le gouverneur de cette province, Boniface Banyi-Yedzako, qui ajoute que l'engrais chimique et les semences sélectionnées distribuées ne respectaient pas les critères et ont été aussi à l'origine de cette faible production. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. C'est Alexandrine Guaramaze, chef de la colline Muyaga, se trouva dans la commune et province Tchankouzo. Elle précise que les agriculteurs de cette localité n'ont pas réussi la récolte en quantité suffisante lors de la saison culturelle A suite au changement climatique. Elle ajoute que la situation sera pareille pour la saison culturelle B du fait que beaucoup des champs ont été endommagés par la forte pluie qui s'est abattue dans la province Tchankouzo. Malgré cela, cette autorité culinaire fait savoir que les agriculteurs avaient reçu en temps l'engrais chimique en provenance de la société FOMI. L'une des habitants de cette colline Muyaga témoigne que cette situation du changement climatique serait à l'origine de la hausse des prix des denrées alimentaires qui s'observent sur les marchés. Elle précise qu'actuellement, 1 kg de haricots communément appelé Kirundo s'achète à 3 400 au moment où 1 kg de haricots de type Kinure s'achète à 3 800, alors qu'au avant, le prix de haricots ne dépassait pas 2000 francs. Boniface Banyezako, gouverneur de la province Tchankouzo, fait savoir que l'engrais chimique et les semences sélectionnées qui ont été distribuées à Tchankouzo, mais qui ne respectent pas les conditions, seraient à l'origine de cette faible production. Gouverneur Banyezako donne l'exemple des semences de maïs hybride qu'ils ont laissées, mais malheureusement, qui n'ont pas donné la production suffisante. Pour trouver solution à ce problème, cette administrative provinciale demande au ministère et à l'agriculture dans ses attributions de dispenser beaucoup de formations aux experts chargés de la multiplication des semences sélectionnées et de suivre de près la qualité des fertilisants produits localement. Actualité internationale. En actualité internationale, avant de boucler ce journal au Soudan, un calme relatif dans les combats a permis à la fin de cette semaine la livraison de matériel médical à Khartoum, où les quelques hôpitaux encore en état de fonctionner étaient presque totalement diminués. Selon RFI, le programme alimentaire mondial et PAM a également annoncé l'arrivée de nourriture pour les habitants encore présents dans la capitale. Au Gabon, l'élection présidentielle doit avoir lieu en 2023, même si la date n'est pas encore connue. Début avril, Ali Bongo avait fait un premier pas vers une nouvelle candidature face aux militants du PDG. lors du 55e anniversaire du parti. Le président gabonais franchit une nouvelle étape ce dimanche dans une interview à Jeune Afrique. La Turquie vit ce dimanche une journée de vote inédite pour le second tour de l'élection présidentielle opposant Recep Tayyip Erdogan et le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Le président sortant arrivé en tête lors du premier tour est bien placé pour l'emporter. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est donné en tête dimanche soir du second tour de l'élection présidentielle turque après le dépouillement d'environ 50% des bulletins selon l'agence officielle Anadolu. Recep Erdogan est au pouvoir depuis 20 ans. Obtient à ce stade 56,36% des suffrages contre 43,64% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu selon ses résultats provisoires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Everest Ndikobanyanga. Bonne soirée, bonne nuit chez vous. Au revoir.